2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Tous les mercredis, de 22h à 23h. Prune 92 FM. Ouh, boum boum oh, musique française et francophone curieuse tous les mercredis soirs de 22h à 23h sur Prune 92 FM. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Georges Dredd, collectionneur des disques vinyles et DJ originaire de Barcelone. En Espagne, il a publié sur sa page Mixcloud il y a quelques mois une sélection orientée psyché et jerk, musique des années 60 donc, un mix comme on n'en fait plus assez dans Boom Bomo. Cette sélection s'appelle French Souvenir, on y trouve quelques classiques du genre et pas mal de morceaux beaucoup plus obscurs aussi. Georges Dredd dans Boom Bomo ce soir, ambiance psyché et jerk donc. Bonne écoute, à la semaine prochaine. Ah. qu'est-ce qu'il est chouette. Qui c'est qui a dit qu'on peut pas imiter les Anglais? Oh, dis donc, tu balances drôlement pour ton âge. Et puis, t'as un gimmick formidable. Oh, terrible. J'en ai jamais vu de pareil. Si j'avais ton disque, tu sais ce que j'en ferais? Je le casserais pour en avoir un autre. Tiens, t'es comme moi. Tu joues avec ton corps, tes hanches, ta bouche. Oh, du tonnerre! En somme, il n'y a qu'avec les oreilles que tu fais rien. Commode d'emballer des filles quand on n'a pas un minimum de baratin. Mon cœur, mon désir, fort que ta peur. Le néant qui suivra ton plaisir, et c'est du temps qui voudra revenir. Sans rechercher la gloire ou le poids des médailles, nous referons l'histoire sur un lit de bataille. De la guerre la plus belle, nous serons les soldats avec cet uniforme que nous donna le ciel. Ne dis rien, mets ta main sur mon cœur. Je serai, si tu veux, ton vainqueur. Au matin, ce sera le combat. Mais le soir, notre paix finira. Sans rechercher la gloire ou le poids des médailles, nous referons l'histoire sur un lit de bataille. De la guerre la plus belle, nous serons les soldats avec cet uniforme que nous donna le ciel.

C'est ce petit bonjour que tu m'as dit un jour. Mon déclic de l'amour, mon compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, go! Je suis ton cosmonaute d'amoureux. Je monte dans le ciel de tes grands yeux. C'est le début de ma révolution. En bas la terre n'est plus qu'un citron. Je suis ton cosmonaute d'amoureux. Pour le moment je plane dans du bleu. Ton cœur est mon étoile à explorer. Je veux pouvoir bien te reprendre pied. Le rendez-vous spatial, ça c'est original. Mais je trouve anormal ton silence glacial, glacial. Je suis ton cosmonaute téléguidé par tes caprices et tes sautes d'idées. Mais dans ce vide, je suis pris d'un doute. Pas un seul bip-bip montre la route. Montre la route. Je suis ton cosmonaute tout heureux. Enfin je vois ton cœur si capricieux. Est-ce une station ou bien un satellite? Même pas ce n'est qu'une météorite. Je suis ton cosmonaute saturé par ton grand air plutôt pressurisé. J'amorce ma descente en parachute. Le ciel de tes yeux n'avait pas de but. N'avait pas de but. Le ciel de tes yeux n'avait pas de but. N'avait pas de but. Le ciel de tes yeux n'avait pas de but. N'avait pas de but. N'avait pas de but. Dites-le-me-le, dites-le-moi, avec tes badges. Faites-le-me-le, faites-le-moi, avec tes badges. Et toi mon petit chat, mia, fais-le-me-le miaou. Même que je t'ai dit que tu es bête et que souvent ça m'embête que tu sois si sexy, sexo, que tant je t'aime. Même avec tes bottes et tes yeux noirs de petite fille. Dites-le-me-le, dites-le-moi, avec des badges. Faites-le-me-le, faites-le-moi, avec des badges. Et toi mon petit chat, fais-le-me-le mia-mia, fais-le-me-le miaou. Même que je suis ton Mr. Badge, y a plus de mystère, oh tu gagnes, car tu es si sexy, sexo, tant je t'aime. Même sans tes bottes et quand tes yeux noirs me déshabillent. Dites-le-me-le, dites-le-moi, avec des badges. Faites-le-me-le, faites-le-moi, avec des badges. Et toi mon petit chat, fais-le-me-le mia-mia, fais-le-me-le mia. Et toi mon petit chat, fais le me le mia mia, fais le me le à moi, miaou, miaou. Il m'a dit, Alphonse, fais-toi couper les cheveux, t'auras bientôt plus de poils qu'il y en a au cul de mes bœufs. J'ai répondu, elle perd plus que mes cheveux, ils sont longs, et moi je lave ce qu'il y a dessous, et moi juste de savon. Hidon. Il y a la mère à l'Eusèbe qui a déjà de la moustache, elle y donne un tabouret pour aller traire les vaches. Elle m'a mis, reviens, il dit, ton tabouret, j'en veux plus, il y a les vaches, elles veulent point s'asseoir dessus. Mon père, ce héros, sourire si doux, il était dans un champ sur qui tombait la nuit. Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit, c'était Yvette Horner qui jouait de l'accordéon. Idon. Ma sœur Germaine, elle entend dire à la radio que grâce à la pilule, on n'a plus de marmots. Elle dit, je vais en prendre une des gosses, j'en aurais plus, mais au lieu de l'avaler, est-ce la médaille. Idon. L'autre jour, un Parisien, il vient dire à ma mère, je voudrais voir votre mari pour causer d'une affaire. Ma mère a dit, il est dans le pré avec les veaux, vous le reconnaîtrez bien, c'est le seul qui a un chapeau. Idon. Aux dernières élections, il y a le vieux père Magloire, on lui dit avant de voter, faut passer dans l'isoloir. Quand il en ressort, il dit c'est très bien installé, mais le malheur c'est qu'il n'y a pas assez de papier. Paraît que les petits chinois, ils ont rien à bouffer et que les volailles chez nous, elles sont trop engraissées. Chacun pourrait prendre un chinois dans sa bosse cour, mais un chinois, ça pompe pas un œuf par jour. Non. Idon. Et le grand-père qui a du bon sens, il dit qu'à la radio, les chansons qu'on entend, il n'y a rien de plus ballot. Et quand on va mettre les andouilles dans un panier, faudra pousser l'Antoine pour pouvoir y rentrer. Toujours dit, tu connaîtras l'amour. Oh!